طيب نكمل ان شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد on commence aujourd'hui le cours numéro 137 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah al-Furqan بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan حفظه الله تعالى et on est arrivé donc comme je disais au cours 137 Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, donc au dernier cours, on expliquait plusieurs exemples qui ont rapport avec le fait que les mushrikines et les gens de bid'a, les adorateurs des tombes, ils vont s'isoler dans des endroits, des endroits un peu sauvages, si on veut, hein, des cavernes, des montagnes, des forêts. Des endroits isolés, comme des ermites. Et ils s'imaginent dans ces endroits-là qu'ils font certaines ibadat, des adorations, des actes spirituels. Et des fois, ils font des choses qui font partie des choses qui sont des innovations également, qui n'ont pas rapport avec l'adoration. Et ils font ces choses-là et s'imaginent que, les anges apparaissent, ou bien des choses comme ça. Donc, en réalité, c'est des shayatines. Et c'est ça que le cheikh, il expliquait. Au dernier cours, il y a un frère qui m'a justement fait part d'un point intéressant aussi par rapport à ça. Du fait que parmi les soufis, et parmi les gens de bid'a, il y en a qui essaient d'utiliser comme argument pour justifier ce genre d'acte, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant de recevoir la révélation, il allait se recueillir, il allait adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans la grotte qu'on appelle Ghar Hira. Et c'est là qu'il a reçu la première révélation. Donc certains parmi les soufis, ils utilisent cet exemple-là pour dire, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, donc ça veut dire que c'est pas une innovation et que c'est quelque chose qui est permis. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est recueilli dans la montagne de Hira, la caverne, la grotte de Hira, avant la révélation, avant d'avoir la révélation. Et une fois qu'il a reçu la révélation, il n'est jamais retourné à cet endroit-là pour faire ses adorations. Si c'était quelque chose qui est légiféré, il l'aurait fait. Il ne l'a pas fait. C'est la preuve que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne se fait pas dans ces endroits-là. Et que le musulman, il ne doit pas partir dans des endroits isolés comme ça pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ça fait partie des innovations. Le cheikh, il dit ensuite, donc cheikh al-Islam, il dit, « Mithli magharati d-dam » التي بجبل قاسيون وجبل لبنان الذي بساحل الشام وجبل الفتح بأسوان بمصر وجبال بالروم وخراسان وجبال بالجزيرة وغير ذلك وجبل اللكام وجبل الأحيش وجبل سولان قرب أردبيل وجبل شهنك عند تبريز وجبل ماشيكو عند أقشوان عند أقشوان وجبل نهاوند وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين. Donc ici le cheikh il donne des exemples de différents noms de montagnes dans différentes régions des pays musulmans où il y a des gens qui pensent que dans ces montagnes-là il y a des hommes pieux qui sont présents. Et cheikh Al-Fawzan il fait des commentaires là-dessus. Il dit: يبحثون عن الكهوف والجبال ويختفون فيها من أجل أن يدبروا أمرهم ضد المسلمين وينفثوا سمومهم التي في صدورهم من ومنهم شيخهم في هذه المغارات الشيطان شيخهم الشيطان سول لهم وأملى لهم نسأل الله العافية. Donc le cheikh, il dit, ces gens-là, ils recherchent les grottes, hein, les cavernes et les montagnes pour se cacher dedans. Et dans le but d'organiser et de planifier leurs affaires contre les musulmans. Et ils injectent et ils soufflent leur poison dans leur poitrine, dans leur cœur, avec leur cheikh dans ces grottes. Hein. Et leur cheikh, c'est qui? C'est le shaitan. Et c'est lui qui les incite à ce genre-là, à ce genre de choses et qui leur dicte quoi faire. Donc ça, c'est un point. Puis le cheikh, il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit, « وَهَذِهِ الْمُشْكِلَ أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّ بِهَا رِجَالًا مِنَ الصَّالِحِينَ يعني من رجال الغيب الذين يسمونهم رجال الغيب وهم شياطين يمكن أن يتصوروا لهم ويأتوهم في صورة رجال ويجلسوا معهم ثم يلقنوهم هذه الأفكار الخبيثة لأن الشيطان إذا انقطع الإنسان عن إخوانه المسلمين تسلط عليهم ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة ونهى عن الانفراد وقال إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية وإن الشيطان ذئب الإنسان والمسلم يكون مع المسلمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولذلك شرع الله لنا الاجتماعات في العبادة الصلوات الخمس في الجمعة وفي الأعياد في عرفة اجتماعات يجتمع فيها المسلمون ليس كل واحد يذهب لجبل أو لغار ويقول أنا أعبد الله لما سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة فقال هو في النار وأنتم تسمعون في كل خطبة عليكم بالجماعة هذا حديث وهذا نص حديث يعني عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. Donc le cheikh il explique que ça c'est le problème de ces gens-là, c'est qu'ils s'imaginent que dans ces montagnes et dans ces grottes il y a des hommes pieux. Et de quel homme pieux il parle? Ce ne sont pas les hommes pieux, yani parmi les adorateurs, les savants, les ulama, les gens qui sont sur la sunna. Non, il parle de ceux que les soufis désignent comme étant les hommes invisibles, rijalul ghaib. Hein, il les appelle rijalul ghaib. En réalité, ce sont des diables, ce sont des shayatin. Et parfois ils peuvent se manifester à eux, hein, avec des formes humaines. Et ils s'assoient avec eux et ils leur transmettent leurs idées, hein, leurs idées corrompues et sales. Et donc, le shaitan, lorsqu'il s'éloigne de ses frères, lorsqu'il s'éloigne des musulmans, eh bien, le shaitan prend le dessus sur lui. Hein. Et c'est ça en réalité qui est arrivé à beaucoup d'entre les êtres humains lorsqu'ils ont essayé de chercher une vérité en dehors de la religion d'Allah. Eh bien, parfois, certains ont emprunté ces chemins-là. Et dernièrement, je regardais par exemple certaines des croyances des différents peuples amérindiens et les enseignements de ceux qu'ils appellent les chamans. Hein. Eh bien, c'est comme des sorciers en réalité. Et tu vois la croyance et la pratique de certains parmi les soufis et tu remarques qu'il y a des ressemblances entre leur pratique et la pratique de ces mushrikines parmi les croyances, yani, comme on dit, animistes et les gens qui croient en des esprits et des choses de ce genre, ou qui se réfèrent au culte des ancêtres, hein, ou qui adorent des esprits, eh bien c'est la même chose. En réalité, c'est des gens qui souvent entrent en contact avec les djinns, avec les shayatins, et les shayatins leur révèlent certaines informations ou certaines choses que eux ils connaissent pas. Alors ils s'imaginent que ce sont des divinités ou des êtres supérieurs ou des choses de ce genre, et puis ils les adorent en dehors d'Allah. Et c'est comme ça qu'ils deviennent par la suite des serviteurs du shaitan et des esclaves, hein, du shaitan. Également aussi, ils font parfois l'usage de plantes hallucinogènes ou de substances qui justement les créent en eux ce genre d'état qui fait en sorte qu'ils voient des apparitions ou ils entendent des voix, hein, ou des choses de ce genre, et donc ils s'imaginent, hein, qu'ils voient, hein, des choses qui ne sont pas là. Et ils entendent des voix de choses qui n'existent pas. Hein? Et donc c'est comme ça que ces gens-là, par la suite, hein, en réalité, ils ont des croyances qui sont totalement en contradiction avec la vérité. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh, il explique que donc ces êtres-là, ces gens-là, ils adorent ces êtres invisibles qui sont en réalité des shayatins qui peuvent parfois apparaître avec des formes humaines et qui s'assoient avec eux et qui leur transmettent leurs idées. Et le shaitan, hein, il attaque les êtres humains qui s'éloignent, hein, des autres et qui s'isolent des autres. Une fois que la personne elle reste tout seule, elle s'isole, elle s'éloigne de la population ou du reste des gens, hein, eh bien, elle se fait dévorer par le shaitan. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il encourageait les musulmans à rester ensemble, à s'unir, à rester en groupe et ne pas s'isoler ou ne pas, hein, partir tout seul. Et il mentionne dans le hadith qui est rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, et d'autres également l'ont rapporté, comme Abu Daoud et An-Nasa'i, qui mentionne donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signe. Donc il a dit innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiya, c'est-à-dire le loup, il ne mange que le mouton qui s'est éloigné du troupeau. Donc le cheikh explique que le shaitan, en réalité, par rapport à l'être humain, c'est comme un loup, hein, c'est le loup pour les êtres humains, et donc le musulman, il doit rester avec les autres musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 119 dans sourate At-Tawbah, Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ô vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah et soyez avec les véridiques. Et c'est pour cette raison que Allah azza wa jal, il a légiféré d'être toujours rassemblés pour faire nos adorations, que ce soit les 5 prières quotidiennes, que ce soit la prière de Jumu'ah, que ce soit les prières des fêtes, hein, dans les jours de Eid, ou le rassemblement des musulmans le jour de Arafat. Tous ces rassemblements des musulmans, hein, sont des exemples qui montrent que cette religion de l'islam est une religion de l'union et du rapprochement et le fait d'être unis et d'être rassemblés. Et donc, c'est pas à un musulman de s'en aller dans les montagnes ou dans les grottes puis dire je m'en vais adorer Allah. Et il dit, on a demandé à Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, à propos d'un homme qui jeûne le jour et qui fait la salat la nuit et qui n'assiste pas à la prière de Jumu'ah ni à la prière en Jama'a. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, a répondu à propos de cette personne qu'il est dans l'enfer. Hein? Il dit, il est dans l'enfer. Et vous entendez à chaque Jumu'ah, dans chaque discours, dans chaque sermon de l'imam, il dit en général, les imams, ils répètent souvent ce hadith, « Alaykum bil jama'a, alaykum bil jama'a, fa inna yadallahi ala al jama'a » C'est-à-dire restez unis, restez avec la jama'a, avec le groupe, car la main d'Allah est sur la jama'a. Et « man shadha, shadha fi nar » C'est-à-dire celui qui adopte une attitude singulière, qui s'écarte de la jama'a, il s'écarte vers l'enfer. Hein? Et ça, c'est la réalité. Après, le cheikh, il dit, « Wa min al-ins, ويسمونهم رجال الغيب، وإنما هناك رجال من الجن ورجال رجال من الجن. يلزف إنما هناك رجال من الجن، فالجن رجال كما أن الإنس رجال، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني وجلده يشبه جلد الماعز، فيظن من لا يعرفه أنه إنسي وإنما هو جني. Donc le cheikh il explique que les êtres humains, ils appellent ceux parmi les soufis qui vont faire leurs adorations dans ces endroits isolés, ils les appellent, ils disent les êtres qui habitent dans ces endroits-là, les grottes et les montagnes, ils disent ce sont les hommes invisibles ou les hommes de l'invisible. Cheikh Al-Fawzan, il dit « Rijalul ghaib hum shayatin »« Rahimallahu »« Rahimahullah »« Ma awsa'a attila'uh »« Wa ma a'zama nus'uhu lil muslimin » Cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit « Ces hommes-là, en réalité, ces hommes de l'invisible, sont des diables en réalité. » Et il dit que Allah fasse miséricorde à Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, comme sa connaissance était vaste. Et comme sa sincérité était grande pour les musulmans, il les conseillait sur les détails des questions de la croyance et des détails des questions de la religion pour mettre en garde les musulmans contre toutes les différentes formes d'égarement et les différentes sectes et les différentes innovations que les gens ont rapportées et amenées dans l'islam. Même dans des choses que parfois les gens n'ont jamais entendu parler, parfois des choses que c'est seulement les mubtadi'a qui connaissent, eh bien, Ibn Taymiyyah, il les a apprises, ces choses-là, il les a étudiées pour être capable justement de les connaître et pour les avertir, les musulmans, contre ces égarements-là. Il dit ensuite, en réalité, ce ne sont que des hommes parmi les djinns, parce que les djinns, parmi les djinns, il y a des hommes, comme Allah il le dit dans le verset 6, dans Sourate al-Jinn, « وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ » يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. C'est le verset 6 dans Sourate al-Jinn. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. » C'est-à-dire, il y avait parmi les humains des hommes qui cherchaient protection auprès des hommes parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître en eux la détresse. Allah al-Musta'an. Et donc, le Cheikh explique que, Cheikh Al-Fawzan, il dit, yani, al-jinn lahum rijal, wa yadharuna fi surati rijal. Donc, les djinns, il y a parmi eux des hommes, c'est-à-dire, ils sont des djinns hommes, et ils apparaissent sous la forme d'hommes. D'accord? Et le Cheikh, il dit ensuite, wa min ha'ula, من يظهر بصورة رجل شعراني. Donc il y en a parmi eux qui ont une apparence d'un homme très poilu, avec beaucoup de poils qui ressemble à la peau d'un bouc, un genre de bouc. Et donc les gens vont une chèvre, comme les chèvres, ils voient cet homme-là et ils pensent que c'était un être humain alors que c'est un djinn en réalité. Et le cheikh il dit wa shaytanu al-ins akhtaru min akhtaru 'ala al-muslimin min rijal min shaytan al-jinn wa shaytanu al-ins akhtaru 'ala al-muslimin min shaytan al-jinn yaquluna shaytanu al-ins wal-ins هو شيء والإنس لهم شياطين قال عز وجل شيطان الإنس والجن يوحي بعضهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فأخبر أن للإنسان أو أن للإنس شياطين وهم أخطر من شياطين الجن، لأن الشيطان الجني إذا ذكرت الله فره، أما شيطان الإنس إذا ذكرت الله مرة يعني ذكره 100 مرة وهو على ما هو عليه من الضلال ولا يذهب، فهو أخطر على الإنسان منه. الضال من الإنس أشد من شياطين الإنس. الضالون من الإنس أشد من شياطين الجن. هل الإنس يكون في لون الماعز وفي صورة الماعز؟ هذا شيطان. Donc le Cheikh il dit, le shaytan, il y a des shayatins parmi les djinns et il y a des shayatins aussi parmi les humains. Et les shayatins, les diables humains, sont plus dangereux pour les musulmans que les shaytans parmi les djinns. Et les gens disent parfois que, donc, le shaytan, il y a le shaytan homme ou humain et il y a le shaytan parmi les djinns. Et donc, les êtres humains possèdent eux aussi des diables, des shayatins. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 112, dans Surat Al-An'am, qu'il y a des diables, des shayatins parmi les hommes et parmi les djinns qui s'inspirent les uns aux autres des paroles enjolivées pour tromper les gens. Donc, il nous informe dans ce verset que les êtres humains, eux aussi sont des shayatins. Parmi les êtres humains, il y en a qui sont eux aussi des shayatins et ils sont plus dangereux que les shayatins parmi les djinns. Parce que le shaitan parmi les djinns, si tu mentionnes Allah, il s'enfuit. Tandis que le shaitan parmi les êtres humains, si tu mentionnes Allah une fois, lui, il va le mentionner 100 fois. Et il va rester pareil, comme il était sur son égarement, il ne va pas s'en aller. Donc, il est plus dangereux pour les gens que le shaitan parmi les djinns. Et les êtres humains, donc parmi les égarés, qui sont parmi les êtres humains, sont donc plus dangereux que les diables parmi les djinns. Et il dit, est-ce que l'être humain, il va avoir la couleur de la chèvre, hein, ou du bouc, hein, ou la forme d'un bouc? Il dit, ça c'est clair que c'est un shaitan. Il dit ensuite, وَيُقَالُ hein, donc ça c'est pour répondre à ceux qui croient qu'il y a des êtres invisibles. On en avait parlé, je pense, dans le volume 1, lorsqu'on avait fini le volume 1, on a parlé de ça, et j'avais mentionné même des citations et des exemples des différentes catégories de ces hommes invisibles en lesquels les soufis croient. Ensuite, le Cheikh il dit وَيُقَالْ بِكُلِّ جَبَلٍ مِنْ هَذِهِ الْجِبَالِ الْأَرْبَعُونَ الْأَبْدَالِ وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُظَنُّ أَنَّهُمُ الْأَبْدَالِ هُمْ مِنْ جِنِّ هَذِهِ الْجِبَالِ كما يعرف ذلك بطرق متعددة وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه يعني وذكر ما نعرفه من ذلك وذكر ما نعرفه من ذلك فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك. Donc ici le cheikh il explique que il dit que il y a certaines personnes qui disent que sur chacune de ces montagnes il y a 40 parmi les hommes pieux, hein, parmi les abdals. Il les appelle des abdals parce qu'il les divise en une sorte de pyramide. Hein? Et à chaque étage, il y en a un différent nombre. Et yani, ils s'échangent, ils changent et ils montent à chaque différente époque. Hein? Ils montent en grade, soi-disant, jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau supérieur qui est le Qutb, hein? Ou bien le Raouth. On a parlé de ça, on a parlé du pôle, puis de toutes ces choses-là. Donc ici, le cheikh explique que les abdals, qui sont du nombre de 40, et il dit ce sont les gens que eux pensent être les habitants de ces montagnes-là, en réalité, ce sont des djinns. Ce sont des djinns. Et il dit, le cheikh, كَمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِطُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ. Il dit, ça, c'est connu de différentes façons. Cheikh Al-Fawzan, il dit, الْأَبْدَالُ لَيْسُ هَؤُلَاءِ وَرَدَ فِيهِمْ أَثَرٌ الْأَبْدَالُ سُمُّوا أَبْدَالًا لِأَنَّهُمْ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهُمْ رِجَالٌ صَالِحُونَ وَقَلِيلٌ فِي الْقُرُونِ إِنْ صَحَّ فِيهِمُ الْأَثَرُ وَهُمْ لَيْسُوا هَؤُلَاءِ الْجِنِّ هَؤُلَاءِ صَالِحُونَ عُلَمَاءُ. Donc il dit, en réalité, Cheikh Al-Fawzan, il explique qu'en réalité, ceux qui sont réellement les Abdal, tels que c'est mentionné dans une narration quelconque, il dit, ce ne sont pas ceux que yani les soufis ont mentionné comme étant les Abdal. En réalité, les Abdal, si la narration à leur sujet est authentique, ce sont des hommes pieux. Et on les appelle Abdal. Il y en a qui vient à la base de Al-Badal. Badal qui veut dire le fait de changer. Hein? Et pourquoi donc on les appelle des Abdal? C'est parce qu'ils se, succèdent les uns les autres à chaque génération. Et c'est des hommes pieux et ils sont peu nombreux hein, dans différents siècles ou dans différentes époques. Mais ceux dont les soufis à eux parlent, ceux que les soufis désignent comme étant des abdals, ce ne sont pas ceux-là, hein, ce sont plutôt des djinns. Hein, ce sont des djinns. Tandis que les vrais abdals, ce sont des ulamas et des hommes pieux. D'accord? Ensuite, le cheikh, il dit que, donc, laysul abdal, donc ceux que les soufis accroient être des habitants de ces montagnes-là, ce ne sont pas des abdal, ce sont des shayatins, des djinns. Après, le cheikh explique, il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit, cet endroit ou ce moment n'est pas le bon pour rentrer en détail dans ce que nous connaissons au sujet de ces choses-là. Et il dit parce que on a vu et on a entendu beaucoup de choses à ce sujet-là et ce serait très long à décrire dans ce qu'on est en train d'expliquer maintenant comme résumé. Et le cheikh dit yakfina ma zakart, ce que tu nous as mentionné est suffisant. Et ensuite, le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, et celui qui a posé la question, il a posé la question au sujet des awliya d'Allah, hein, qui sont les serviteurs pieux et rapprochés d'Allah. On a voulu lui clarifier et lui mentionner, eh bien, ce qui est important de ce sujet-là. Et le cheikh, il dit, « Ibtila'u al-cheikh, un shay'un ajib. » يعني وإحاطته بالأخبار والأشياء فتح الله عليه فتحا عظيما وهذا ببركة العلم والعمل والعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله وهذا المؤلف كله جواب لمسألة واحدة سئل عن الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وما كتبه على أنه مؤلف كتبه على أنه جواب. Donc le cheikh il dit que on voit à quel point la connaissance hein, du cheikh, l'ittila', c'est-à-dire toutes les choses qu'il a comme culture, comme connaissance, comme lecture, c'est étonnant parce que il connaissait des choses, des informations et des connaissances sur différents sujets. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup de connaissances et lui a ouvert beaucoup de sujets. Et ça, c'est à cause de la bénédiction du fait d'avoir la science et de le mettre en pratique. Parce que la science bénéfique avec les bonnes œuvres et le fait d'inviter les gens à Allah, eh bien ça vient avec une bénédiction. D'accord? Et le cheikh, il explique que, ici, on voit que cet ouvrage qui est écrit, c'est-à-dire Al-Furqan, eh bien, c'est un ouvrage à la base qui est une réponse à une question que quelqu'un lui a posée, c'est-à-dire, quelle est la différence entre Awliya al-Rahman et Awliya al-Shaytan? Et il a écrit ce livre. En réalité, c'était pas dans le but de faire un livre, c'était dans le but de répondre à la question seulement. Hein? Mais c'est devenu un livre aujourd'hui. Donc ça, c'est pour montrer à quel point Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah était yani, fort et approfondi dans sa science et dans sa connaissance de la religion. Ensuite, il dit « وَالنَّاسُ فِي خَوَارِقِ الْعَادَاتِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله وكلا الأمرين خطأ. Donc le cheikh, il explique que les gens, par rapport aux actes qui se produisent et qui sont hors de l'ordinaire, des actes surnaturels, il y a trois types de personnes face à ces actes-là. Et donc, cheikh Al-Fawzan, il commente premièrement sur ce point-là. Il dit « Kama sabaqa bayanuhu, unasun ghalaw fi nafiha, kal mu'tazila, yunkirunaha, yunkiruna khawariq al-adat » ويسمون الآن العقلانيين ينكرون المعجزات وينكرون الكرامات ويقولون ليس هناك كرامات وأناس غلوا في إثباتها حتى عدوا خوارق الشيطان من الكرامات وهؤلاء غلوا في الإثبات والوسط يعني هم الذين أثبتوا الكرامات وأثبتوا المعجزات والكرامات على ضوء الكتاب والسنة ونفوا ما عداها وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. Donc le cheikh, il explique que, on l'a déjà expliqué ça, que il y a des gens qui ont exagéré. Donc il y a deux extrêmes, puis il y a le juste milieu. Premier extrême, c'est ceux qui ont exagéré dans la négation des prodiges, des miracles, hein. Il nie tout ça. Ça, c'est les Mu'tazila. Naam. Donc, les Mu'tazila, ils nient les miracles et les prodiges miraculeux. Et tout ce qui est hors de l'ordinaire ou surnaturel, ils le nient. Et ce sont ceux qu'on appelle, les Mu'tazila, on les appelle aujourd'hui Al-Aqlaniyoun, c'est-à-dire les rationalistes, ceux qui veulent essayer de rationaliser tout et wa alaykoum assalam wa rahmatoullahi wa barakatuh et qui prétendent que yani, la raison est au-dessus de la révélation. Donc ces gens-là, ils nient les miracles, ils disent qu'il n'y a pas de miracles. Et ils nient également les prodiges miraculeux. Tout ce que les gens peuvent faire comme karamat, ils le nient. Tandis qu'il y a l'autre extrême, des gens qui affirment tout ce qui est surnaturel. Même si c'est des ruses du shaitan, même si c'est des formes de sorcellerie ou de charlatanisme, ou de yani, toutes sortes de choses de ce genre, eux, ils affirment tout ça comme étant des karamats et des prodiges miraculeux. Yani, et ils pensent que ceux qui font ces choses-là sont automatiquement des awliya. Donc ça, c'est l'autre extrême. Puis il y a le juste milieu, des gens de la sunna, Ahl sunnati wal jama'a, qui affirment les karamates, et ils affirment de ces miracles et de ces karamates ce qui est confirmé et qui est en accord avec le Coran et la sunna, et tout ce qui contredit, eh bien, ils le nient. Hein? Et ça, c'est, comme on l'a dit, la position d'Ahl sunnati wal jama'a. Ensuite, le cheikh, il explique que, donc, la première catégorie, il dit ceux qui nient tout ce qui est surnaturel, il dit c'est al-aqlaniyoun. Bal al-aqlaniyoun ankaru hatta mu'jizat al-anbiya. Wal-aqlaniyoun al-mu'asirun ankaru hatta mu'jizat al-anbiya. Lakin al-mu'tazila alladhina hum salafuhum athbatu mu'jizat al-anbiya wa ankaru karamat al-awliya. يقولون لأن لا تشتبه كرامات الولي بمعجزة النبي. Donc il dit que les rationalistes, ils rejettent même les miracles des prophètes. Et les rationalistes aujourd'hui, les contemporains, ils nient jusqu'au miracle des prophètes et les Mu'tazila, qui étaient leurs prédécesseurs. Ils ont, eux, affirmé les miracles des prophètes, mais ils ont renié les prodiges miraculeux qui ont été faits par les hommes pieux. Et ils disent, pour pas qu'il y ait de comparaison ou de ressemblance entre les prodiges des hommes pieux et les miracles des prophètes. Et ensuite, le cheikh, il dit, l'autre extrême par rapport à ceux qui affirment tout comme étant des miracles sans distinguer ce qui vient du shaitan et ce qui fait partie des sorcelleries ou des choses de ce genre. Et yani, il y en a beaucoup parmi ces gens-là qui sont parmi les soufis ou bien les ignorants. Il dit « Wa hadha alladhi ghala fil ithbati la yufarriqu bayna al-karamati wa khariq al-shaytan. » Donc ça, c'est l'autre extrême, ceux qui ont exagéré dans l'affirmation de ces karamat jusqu'à faire entrer dedans les actes surnaturels qui viennent du shaitan. Et l'autre extrême de ceux qui ont nié tout ce qui fait partie des actes surnaturels, même les miracles des prophètes. Donc la vérité est entre ces deux extrêmes-là. Et le cheikh, il dit, cheikh Ibn Taymiyyah, ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. Donc, il dit le cheikh que c'est pour cette raison-là que parmi ces gens-là, yani, il y en a qui mentionnent que les mushrikines et les gens du livre, parmi eux, il y en a des, yani, des victorieux ou des secoureurs qui les aident contre les musulmans et à combattre les musulmans, et que ce sont des awliya d'Allah eux aussi. Et il mentionne que il renie que yani, ces gens-là puissent avoir avec eux des actes surnaturels. Donc le cheikh, il explique cheikh Al-Fawzan ce passage-là. Cheikh Al-Fawzan, il dit « أثبت الكرامات حتى للكفار واليهود والنصارى لأن عندهم خارق العادة كرامة مطلقا ولا يفرقون بين الكرامة وخلق وخارق الشيطان. » Donc le cheikh, il dit qu'ils ont affirmé même des prodiges miraculeux, même aux kuffars, aux juifs et aux chrétiens. Et ils disent que ce sont des actes surnaturels, qui sont des prodiges miraculeux de façon absolue et sans distinguer entre le prodige miraculeux et ce que le shaitan fait, comme un acte surnaturel qui est fait par le shaitan. Et ensuite il dit أولئك الذين ينفون والشيطان حضر مع الكفار في بدر كما ذكر الله وحضر مع الكفار في بدر ويحرضهم على المسلمين ويقول إني جار لكم وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما رأى الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هرب مدبرا وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَهُوَ يَحْضُرُ مَعَهُمْ وَلَكِنْ إِذَا رَأَى قُوَّةَ الْمُسْلِمِينَ وَرَأَى ذِكْرَ اللَّهِ ورأى الملائكة انهزم. Donc le cheikh il explique que يعني ces gens-là ils nient, mais le shaitan il est présent avec les kuffars. Et il était présent lors de la bataille de Badr. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que le shaitan était présent avec les kuffars lors de la bataille de Badr, et il les incitait au combat contre les musulmans. Et il leur disait « Wa inni jarul lakum » hein? « Je suis un voisin pour vous, c'est-à-dire je suis avec vous. Hein? » Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cet exemple-là dans justement surat al-Anfal, le verset 48. Lorsqu'il dit, hein, lorsqu'il disait cette parole, et les anges, lorsqu'il a vu les anges avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, il s'est enfui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cet exemple-là dans ces versets-là. Il dit, et quand le diable leur eut embelli leur action, il dit, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui. Donc ça, c'est le shaitan qui dit ça aux mushrikin. Et je suis votre soutien. Inni jarul lakum. Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons. Et il dit, je vous désavoue. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah. Et Allah est dur en punition. Donc c'est pour dire que lorsqu'il a vu les anges, il a fui. Il les a abandonnés. Hein, parce qu'il a vu la force des musulmans. Donc c'est pour dire que même les koufars, les mouchriquins, ils peuvent avoir un soutien, mais leur soutien, ça vient pas d'Allah, ça vient du shaitan. Mais le shaitan, il n'est pas un allié sérieux. Allah al-musta'an. وَالصَّوَابُ الْقَوْلُ الثَّالِثُ وَهُوَ أَنَّ مَعَهُمْ مَنْ يَنْصُرُهُمْ مِنْ جِنْسِهِمْ لَا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة نعم donc le cheikh il dit que la position correcte c'est la troisième position. C'est qu'ils ont avec eux des gens qui les supportent de leur groupe, qui font partie de leur catégorie, mais ils ne sont pas des alliés d'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, on continuera la prochaine fois. Prochain dars, Inch'Allah, la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته